La Corée vient d'enregistrer nouvellement une dizaine de patrimoines immatériels d'État. Il y a la cérémonie d'offrande à Dangun, la technique d'utilisation d'insam sauvage, la culture d'insam dogoryo, ses coutumes d'utilisation, les méthodes d'acupuncture, médecine traditionnelle appliquée aux soins médicaux pendant des milliers d'années, la méthode de fabrication du gâteau doré à l'armoise et autres plats traditionnels et coutumes alimentaires de notre nation.